Chapitre 6e. Louis ou Anatole. Qu'avait donc Fouinard à raconter? Dès qu'il avait quitté le préfet à la porte du marchand de vin du coin de la rue de Crillon, il avait donné un coup de fion à son veston, posé son chapeau bien d'aplomb, et délibérément s'était dirigé vers une grille d'assez bel aspect sur laquelle ces mots s'étalaient: Leclerc frère, appareil de chauffage et d'éclairage, fumisterie. Une petite porte s'ouvrait à côté de la grille. Il sonna. Un cordon fut tiré de l'intérieur et il entra. Une loge de concierge quelconque. « Je voudrais, dit-il, parler à M. Leclerc. À M. Louis ou à M. Anatole ?»« Sapristi, voilà ce qu'il ne savait pas, par exemple. » Il faillit répondre par un « je m'en fiche » de premier choix, mais redevenant homme du monde, à M. Louis ou, en son absence, M. Anatole. Comme ça, il y en avait pour tous les goûts. « Montez le perron. » lui fut-il répondu, « ouvrez la porte vitrée, vous trouverez un bureau sur lequel il y a la lettre B. Entrez sans frapper, c'est là. » « Bon, » pensa Fouinard, « c'est plus simple qu'au ministère des Finances. » Suivant la consigne donnée, il avisa la porte B, ne frappa pas et entra. Il se trouva en face d'une immense table bureau, où de chaque côté un homme était assis, l'un à cheveux blancs, l'autre poivre et sel. Ils levèrent tous de la tête et le regardèrent, attendant sans doute qu'il parlât le premier, ce qu'il fit d'ailleurs avec sa résolution ordinaire. « Messieurs Louis et Anatole, sans doute, j'ignore à qui des deux je dois m'adresser particulièrement, et le mieux, c'est de vous prier tous deux de m'écouter. Celui que la chose regardera me répondra s'il le juge convenable. » Les frères Leclerc, car c'était bien eux, presque de même âge, et si bien unis que quand on parlait d'eux, on disait « Monsieur Leclerc », l'un étant l'autre et l'autre l'un. « Nous vous écoutons, » dit Louis, ou Anatole, celui de droite. « Mais d'abord, à qui avons-nous l'honneur de parler ?» Toto fit un salut du meilleur goût et dit simplement « Fouinard ».« Toto !» s'écrièrent à la fois Louis et Anatole. « Lui-même, » dit Toto avec modestie. « Le Fouinard de la rue du Pont-Neuf, de la mort à deux sous. » « Oh, monsieur, ne me faites pas rougir. Il n'y a qu'un Fouinard au monde, au moins à ma connaissance, et je suis celui-là. » « Asseyez-vous donc. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Nous vous sommes tout acquis. Vous pouvez vous vanter d'être un rude malin. » La glace était rompue. Fouinard avait pour principe de ne pas tergiverser et d'aller droit au but sans préambule. Un homme, un Italien, très probablement un Corse, avait été attaché pendant quelque temps. Il n'y avait pas une semaine de cela, à la maison Leclerc. Se souvenait-on de cet homme? Mais oui, dit Louis, à moins que ce ne fût Anatole. Il est resté très peu de temps ici, on l'appelait le Corsico. Comment est-il entré chez vous? Très simplement, dans notre partie. Nous employons beaucoup d'Italiens. Il s'est présenté un matin, demandant de l'ouvrage. Justement, nous n'en avions pas à lui donner, notre personnel étant au grand complet. Cependant, il insistait, se disait très malheureux, mourant presque de faim, et vous vous êtes laissé toucher, parfaitement. Nous ne sommes rappelés que depuis quelque temps, nous sentions de la nécessité d'avoir, pour les ateliers, un gardien de nuit. Il y avait eu deux commencements d'incendie, de plus, ne riez pas. Les rats envahissaient les salles et causaient des déprédations sérieuses. Nous lui proposâmes la place, et il l'accepta immédiatement. Nous l'avons embauché. Vous avez pris des renseignements sur lui ? Il était porteur d'un livret militaire. Sa libération remontait à un an environ. Il arrivait de Corse, où, disait-il, les affaires allaient si mal que les ouvriers n'y trouvaient pas de travail et il venait, comme tant d'autres, chercher fortune à Paris. Vous savez son nom ? Les deux frères se regardèrent. Évidemment, ils ne se le rappelaient guère. Nous devons être francs avec vous. Je crois que c'est quelque chose comme Tonelli ou Borelli avec pour prénom Ambrosio. Mais j'avoue n'en être pas sûr. Voyez-vous, chez nous, il passe tant et tant de monde que nous attachons fort peu d'importance à ces détails. En général, ces Italiens, Corses ou Sardes, sont fort honnêtes, et nous n'avons eu que très rarement à nous en plaindre, ce qui explique notre insouciance. Ne vous excusez pas, vous êtes très bon, c'est le principal. Encore un renseignement, cependant. Avez-vous gardé quelques souvenirs de sa physionomie ? Oh, pour cela, oui. Un petit homme, trapu, très robuste, aux cheveux noirs, presque crépus, tombant très bas sur le front, et avec des yeux de flamme. J'ai su depuis son départ qu'il était violent, querelleur, peu sympathique. Le Corsico, comme on l'appelait, était presque à l'index. Comment vous a-t-il quitté ? Sans crier gare. Il restait chez nous une huitaine de jours, faisant bien son service, accomplissant régulièrement dans les divers ateliers les tournées qui lui étaient imposées. Puis un matin, il est parti, sans même toucher un reliquat de paye qui lui était dû. Et nous ne l'avons plus revu. Cela ne vous a pas surpris ? Bon, cela arrive souvent. Ces méridionaux sont capricieux, fantaisistes. Ils rentrent, ils sortent. On en trouve toujours pour les remplacer. Fouinard prit un temps, puis « Êtes-vous bien sûr, messieurs, que personne ne nous entende, car ce que j'ai à vous dire est très grave ?»« Venez par ici, monsieur Fouinard, » fit l'un des deux frères en ouvrant une porte au fond du bureau et en introduisant Toto dans une petite pièce. « Ici, nous sommes à l'abri de toute indiscrétion. »« Eh bien, messieurs, cet homme, qu'il s'appelle Ambrosio ou autrement, Tonelli ou Borelli, est l'assassin de la famille Prouveau, dont la maison touche à la vôtre. » Les deux frères avaient bondi sur leurs pieds. « C'est impossible. »« Songez d'abord à ce détail qui me semble vous avoir échappé. C'est qu'il a quitté votre maison au matin même où cet horrible crime a été découvert. » L'un des frères feuilleta un registre. « C'est vrai, » murmura-t-il. « De plus, » continua Fouinard, « j'ai acquis des preuves que les victimes étaient corses comme lui. »« Comment ? Les Prouveau ? Qui s'appelait Probelli ?» Les Leclerc étaient livides. Il n'essayait même pas de discuter. « Cet homme, » continuait Fouinard, « s'est introduit dans votre maison parce qu'elle était mitoyenne avec celle des malheureux qui l'avaient condamné à mort. Le hasard qui n'avait fait un veilleur de nuit, c'est-à-dire qui lui permettait d'agir alors que les ateliers étaient vides, a aidé à l'accomplissement de son forfait. Quel est le mobile de cette épouvantable tragédie, je l'ignore encore, mais je ne tarderai pas à le connaître. Un seul détail reste à constater. » Ah, monsieur Fouinard, si vous saviez quel coup vous nous avez porté, il nous semble que nous sommes responsables de la mort de ces malheureux. Et je vous demande de m'aider à sauver le seul survivant de cette boucherie, le pauvre petit garçon que le bourreau a manqué, mais qu'il guette, qu'il menace, j'en ai la conviction, et qu'il ne sera en sûreté que lorsque l'assassin sera tombé aux mains de la justice. Vous avez raison. Oui, oui, nous vous aiderons. Que faut-il faire ? La maison tragique est séparée de la vôtre par un mur assez élevé. Si vous avez suivi l'affaire, on a déclaré qu'il n'existait d'autre moyen d'entrer dans la maison des Prouveau que la porte extérieure donnant sur le boulevard, ce qui rend le mystère encore plus irritant. Oh, ce n'est pas par notre mur qu'on a pu passer, il est si haut, et recrépi à neuf, pas un trou, pas une saillie. Vous n'avez pas d'échelle dans votre cour, mais si, des échelles de fumistes, dont quelques-unes ont jusqu'à 5 mètres. « Menez-moi à cette cour. » Les Leclerc tremblaient sur leurs jambes. Cette pensée qu'un assassin était parti de chez eux pour exécuter son horrible forfait les brisait. Mais, résignés et résolus à faire leur devoir, ils accompagnèrent Fouinard dans la cour qui s'étendait derrière leurs ateliers. Cette cour était en effet close par un mur d'une hauteur exceptionnelle et dont aucune défectuosité ne permettait l'escalade. « Où sont les échelles ?» demanda Fouinard. « Dans une petite allée, sur le côté. Tenez-moi ma canne, je vous prie. » Fouinard y courut et revint, portant une longue échelle qu'il maniait comme si elle eût été une plume d'oiseau, et il l'appliqua contre le mur. Elle en dépassait le faîte, il se pencha par-dessus. « Le bandit n'a pas sauté cela, » dit-il. « Je ne sais si je m'y hasarderais moi-même. On se briserait les jambes et le reste. » Il redescendit et regarda autour de lui. Ses yeux s'arrêtèrent sur le puits qui était commun aux deux maisons et qui se trouvait juste au milieu du mur. Une poulie en fer était scellée dans le mur. Fouinard avait repris sa canne. Il fixa ses yeux étincelants sur la pomme de nickel, comme si d'une sorte d'hypnotisation sa pensée devait jaillir. « Vous avez des cordes ? » demanda-t-il soudain. « Oui, des cordes de fumiste, très longues et très solides. Apportez-moi une. » Il commandait, sans presque y prendre garde, tout à ses réflexions. Un rouleau fut apporté par l'un des deux frères. C'était une corde d'une force exceptionnelle, lissée par l'usage, garnie de nœuds. « Hélas, messieurs, le misérable a trouvé chez vous tout un arsenal. Il savait bien ce qu'il faisait en entrant ici. » Il prit la corde, sauta sur la margelle du puits et la fixa par un nœud solide à la potence de la poulie. Puis, ayant rapproché l'échelle du puits, il grimpa rapidement en emportant le rouleau de corde à bout de bras. Arrivé au faîte, Il fit passer le rouleau par-dessus et le laissa tomber dans la courette de la maison tragique. « Vous avez compris tout le mécanisme ?» dit-il aux deux frères stupéfaits. Grâce à l'échelle, l'homme atteint le faîte, puis, se cramponnant à la corde retenue de ce côté par le nœud de la poulie, il est descendu dans l'autre maison. Son forfait accompli, il remonte à la crête du mur par le même procédé et est rentré ici, sans doute par l'échelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'échelle ne lui a pas suffi. C'est parce qu'elle est trop longue et trop lourde pour être portée par-dessus le mur. Il lui fallait une corde, et vous l'aviez. Les deux frères étaient atterrés. « Ne vous troublez pas, » dit Fouinard. « Si le bandit n'avait pas trouvé ce moyen, il en eût imaginé un autre. Nous ne sommes pas sûrs de son nom, mais il n'en est qu'un qu'on peut lui appliquer. Il s'appelle la haine. Seule une haine féroce peut motiver des combinaisons aussi infernales. Mais je vous jure, oui, je vous jure, que je livrerai ce misérable, pieds et poings liés, à la justice. Disposez de nous. Nous vous aiderons de tout notre pouvoir. » « Pour le moment, voici ce que je vous demande. Je vais passer dans la maison tragique par le moyen que je vous ai indiqué. Dès que je serai sur le sol de la courette, j'agiterai violemment la corde. Vous la tirerez à bout et la ramènerez de ce côté. Mais comment remonterez-vous ? Je ne remonterai pas. Ne discutons pas, je vous en prie. On m'attend, je n'ai plus une minute à perdre. Donc, vous retirerez la corde et la détacherez de la poulie, et vous la remettrez en place ainsi que l'échelle. Quant à moi, soyez tranquille, vous me reverrez. » Et sans plus attendre, il leur serra la main, puis, Justine aux dents, il s'élança sur l'échelle, atteignit la craie du mur, passa par-dessus et disparut. Cédant de la corde à nœud, il atteignit le sol. Il donna la corde une violente secousse et constata que les frères Leclerc lui obéissaient. La corde disparut. Alors, en un instant, Fouinard trouva la porte de la cuisine en sous-sol. Elle ne fermait qu'au loquet. Il traversa la maison. Et voilà comment, monsieur le préfet, je suis sorti d'une maison où je n'étais pas entré. Ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas qui est Louis et qui est Anatole.